Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1. Et après cette pause publicitaire, on va faire un plongeon dans les océans qui bordent le Canada. C'est notre chroniqueuse Mélanie Jean qui nous y emmène. Et elle va nous expliquer comment la biodiversité marine y est mal protégée. Alors, bonjour Mélanie. Bonjour François. En effet, avec nos 220 000 km de littoral et nos trois océans, le Canada possède la deuxième plus grande étendue de côte du monde après la Russie. Et pourtant, selon la Société royale du Canada, qui est une entité indépendante du gouvernement, les problèmes de biodiversité marine et la protection des environnements marins semblent bien loin des préoccupations d'Ottawa, comme je vais te l'expliquer ce soir. Dans cet imposant rapport de 316 pages, les auteurs produisent également une analyse critique de la situation des aires marines protégées au Canada, notamment au regard de ses engagements internationaux. Les océans qui bordent le Canada le définissent et subviennent à plusieurs de ses besoins. Donc, c'est quelque chose de très important. Ces besoins-là, c'est quoi? Ben, ils soutiennent un vaste ensemble d'activités humaines, des loisirs au transport, en passant par la pêche. Et sur trois côtes du pays, ils servent de frontières et assurent notre protection. Mais nos océans se sont dégradés sous l'effet de l'activité humaine, là, y compris la surpêche, l'aquaculture et tout ce qu'on fait, en fait, qui alimente les changements climatiques. Ouais. Et les experts jugent que la plupart des engagements relatifs aux aires marines protégées n'ont pas été honorés et illustrent ce contrat en rappelant que moins de 1% des territoires marins du Canada sont protégés et que la surface de ces aires progresse 20 fois moins vite que celle des aires protégées terrestres. Donc, selon le rapport, ils affirment que nous laissons tomber carrément nos océans. C'est les experts de la Société royale là, qui mentionnent ça. Pourtant, le Canada a signé la Convention sur la biodiversité qui a été rédigée après le sommet de la Terre en 1992. On dénote ici là une similarité un peu avec le protocole de Kyoto qui visait à diminuer les gaz à effet de serre. Encore une fois, c'est une preuve que le Canada n'a pas donné suite à ses engagements. C'est pas la première fois. Hein? Non, malheureusement. Et Ottawa est donc loin de se conformer à ses engagements internationaux qui visent à établir un réseau là, de zones maritimes protégées avant 2012. Et les changements observés chez les espèces du Canada sont parmi les plus importantes dans le monde. C'est ce qu'on peut lire, entre autres, dans le rapport du groupe d'experts de la société qui précise aussi que la biomasse totale d'espèces y a diminué de plus de 90% depuis les années 60. C'est pas rien. Et ce qui n'est pas sans conséquence économique directe, parce qu'on se rappelle l'effondrement de la pêche à la morue, ça a touché près de 40 000 emplois. Ça a été en fait la plus importante mise au chômage de l'histoire canadienne. Et ça a représenté à peu près 2 à 3 milliards de dollars en prestations d'aide sociale. Quel impact? Hein? Oui, c'est pas rien. Et tout ça, parce que la gestion de cette pêche et l'exploitation de cette ressource, ben, ça n'avait pas été planifié de façon écologique. Des années après l'effondrement des populations de morue, autrefois foisonnante et très populaire dans cette région-là, ben, le Canada n'a toujours pas de plan d'action pour la reconstitution des stocks de poissons au large de Terre-Neuve. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'espèces qui ont été victimes de cette surpêche? Ben, tout comme la morue, il y a 4 espèces qui ont été carrément décimées, là, selon le rapport. La plie, la sébaste, le grenadier de roche et la raie tachetée. Les descriptions dans ce rapport des incidences des changements climatiques de la pêche et de l'aquaculture sur la biodiversité et les projections concernant leur impact futur ne permettent pas du tout d'avoir une vision positive de l'avenir. Après avoir examiné les données, la société a conclu que le Canada a accompli bien peu de progrès tangibles relativement à son engagement à soutenir la biodiversité marine. Bien que le Canada ait élaboré et ratifié des politiques et des accords judicieux, et qui se soit même porté à la défense d'idées qui étaient très judicieuses par une forte rhétorique, ben on remarque bien peu de résultats et qui ont été cependant obtenus sur le terrain, pardon. Et par conséquent, il n'a pas vraiment respecté ses engagements autant nationaux qu'internationaux. Et contrairement à son rôle de chef de file autoproclamé, ben les analyses des initiatives canadiennes de protection et de gestion des environnements marins sont beaucoup moins flatteuses. Les chercheurs des universités de Yale et de Columbia ont mis au point un indice de performance environnementale et l'ont utilisé pour classer 163 pays d'après 25 indicateurs de performance relativement à la santé publique et environnementale et à la vitalité de leur écosystème. Et puis, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Eh bien, le Canada s'est classé 125e sur 127. C'est pas très, très reluisant. Non, une autre analyse a situé le Canada au 70e rang sur 228 concernant l'établissement de zones protégées marines. Le Canada n'a jamais réussi à respecter ses cibles et ses obligations par rapport à la préservation de la biodiversité et à la promotion du développement durable. C'est ce qu'on s'aperçoit. Mais si le Canada se classe parmi, en fait, les derniers, en fait, les cancres concernant l'établissement des zones protégées marines, qu'est-ce qu'on peut conclure? Mais je crois qu'on peut conclure que nos océans sont actuellement pas entre très bonnes mains. C'est un fait, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, selon la société, il faudrait tout d'abord revoir la loi sur les pêches qui remonte à 1868. Et d'autant qu'elle donne à Pêche et Océan Canada un pouvoir discrétionnaire excessif qui lui permet de dicter les activités qui devraient être régies par la science et modulées par des valeurs sociales et politiques transparentes. Puis, la société poursuit en disant qu'il faudrait faire en sorte que la loi sur les océans, qui est mise sur la gestion écosystémique, soit vraiment appliquée. L'an dernier, Pêche et Océan Canada a alloué 15,9 millions de dollars à la protection des océans. Et ça représente environ 2,27 $ par kilomètre carré de mer canadienne. Mais ça, ça représente moins que le prix d'un seul kilo de poisson. Mm-hmm. Comme tu l'as dit, régi par la science, c'est pas tellement la force du gouvernement Harper, ça. Je dirais pas. C'est un fait. Mais est-ce que le Canada est en train de tourner le dos à la mer? Bien, pour vous donner un exemple, dans le discours du trône qui a eu lieu le 3 juin 2011, bien, la société a remarqué que les mots « océan » et « arctique » n'ont jamais été mentionnés. Et que le mot « mer » l'a été qu'une fois pour parler d'une autoroute qui va relier le Canada d'une mer à l'autre. On voit l'importance qu'il leur accorde. Et paradoxalement, les océans sont menacés par l'inaction humaine tout autant que par l'action humaine. Lorsqu'il s'agit d'apporter des changements et de mettre en œuvre des réformes nécessaires à la protection de notre patrimoine marin, les transformations physiques et biologiques résultant de ces changements climatiques, de même que les conséquences les plus directes de l'activité humaine, sont en train de modifier la biologie marine. Et ça aura des conséquences graves pour la sécurité alimentaire et pour le bien-être socio-économique des collectivités côtières qui dépendent de la pêche. Et puis le réchauffement climatique doit sûrement aussi avoir un impact négatif sur les océans canadiens. Oui, le changement climatique, c'est un facteur de pression et ça a une grande incidence sur la biodiversité marine. Le réchauffement climatique pourrait entraîner carrément l'extinction locale de certaines espèces et l'établissement là, d'espèces non indigènes qui viennent les remplacer. Qui viennent les coloniser, effectivement. C'est ça. Et il y a plusieurs changements importants juste quand on pense pour la pêche. Et puisque le Canada possède un territoire marin qu'on peut dire unique au monde, mais c'est vraiment regrettable de voir les mauvaises performances de notre pays en matière de création d'aires marines protégées et surtout son mauvais classement mondial, comme on l'a vu tout à l'heure. Dernier de classe, là. Et oui, pas mal. Les auteurs de cet important rapport ont souligné aussi également que les rares aires marines protégées existantes, bien, sont souvent assez permissives quant à la poursuite d'activités humaines. Donc, on permet de la pêche. Ils trouvent que ce n'est pas vraiment des zones de protection à part entière. Pour vous donner un exemple, l'analyse par les experts de cette situation actuelle et des tendances futures a mené à l'élaboration de plusieurs recommandations très pertinentes dans ce rapport-là, notamment, comme je l'ai dit, ils suggèrent de moderniser la loi sur les pêches. D'ailleurs, c'est l'une des plus anciennes lois au Canada. Le ministre fédéral des Pêches et Océans doit passer à l'action afin que le Canada respecte ses engagements nationaux et internationaux en matière de préservation de la biodiversité marine. Il suggère aussi il recommande même que la gestion des pêches doit reposer sur la connaissance scientifique et non être tributaire des intérêts politiques. Et finalement, il recommande que le gouvernement doit prendre au sérieux la situation des océans et réduire le pouvoir du ministère de Pêche et Océans Canada. Et je vous laisse avec une réflexion très intéressante. Oui, allons-y. Au Canada, il y a 8 provinces sur 10, dont 3 territoires qui côtoient des océans. Et seules 2 provinces n'ont pas de littoral maritime. Et l'une d'entre elles est l'Alberta, la contrée du premier ministre Stephen Harper. Alors, triste visite d'un océan que tu nous as fait faire. Mais oui. C'est dommage, effectivement. C'est la réalité, par contre, mais c'est la réalité et il faut la connaître. Alors, merci beaucoup, Mélanie, de rien, François. Fait ce portrait-là. Alors, on est un peu en avance sur notre horaire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une pause musicale sur ces carrés au 89.1. Et au retour, on vous parle des êtres vivants millénaires.